Arsène Lupin, L'aiguille creuse, de Maurice Leblanc. Premier épisode. Adaptation Gabor Rassoff. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Arnaud Bédouet, Martin Amic, Bruno Alain, Nathalie Blanc, Amandine Dewam, Jean-Gabriel Nordman, Alain Rimoux. Raymonde prêta l'oreille. Doucement, elle se leva et entr'ouvrit la fenêtre qui donnait sur le grand parc du château de son oncle. La lune éclairait les pelouses où les ruines éparses de l'ancienne abbaye d'Ambrumésie se découpaient en silhouettes tragiques. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle sortit de sa chambre et tomba sur Suzanne, sa cousine, la fille du comte de Gesvres, qu'il avait recueillie depuis la mort simultanée de ses deux parents. Raymonde ! Raymonde ! Tu as entendu ? Oui. Tu ne dors donc pas ? Quelle heure peut-il être ? 4 heures environ. Écoute, on marche dans le salon ! Il n'y a pas de danger, Suzanne. Ton père est là. Mais il y a du danger pour lui. Et Monsieur Daval est là aussi. Regarde ! Un homme dans le parc ! Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension. Il passa devant l'ancienne chapelle qui s'élevait intacte au milieu des ruines et gagna une petite porte percée dans le mur d'enceinte. Les deux cousines se penchèrent et découvrirent contre le mur du château une échelle qui donnait sur la fenêtre du salon. Un autre homme, également chargé, enjamba à son tour le balcon avant de se laisser glisser le long de l'échelle. Appelons au secours. Raymonde, par pitié, ne me laisse pas seule. J'ai peur. Raymonde ouvrit la grande porte et s'arrêta net. À 3 pas d'elle, un homme lui faisait face une lanterne à la main. Il en dirigea le faisceau aveuglant vers les deux jeunes filles qui peinaient à retenir leurs cris. Les observa longuement, puis, sans se presser, il ramassa sa casquette, s'approcha du balcon où l'attendait l'échelle, les salua et disparut dans l'obscurité de la nuit. Alors, à la lueur oblique de la lune, elles aperçurent un spectacle affreux. Deux corps inanimés, couchés l'un près de l'autre, gisaient au milieu du salon. Oh. Qu'est-ce que tu as ? Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Oh. Et Daval ? Est-ce qu'il vit ? Le couteau ! Le couteau ! À ce moment, deux domestiques arrivaient avec des lanternes et Raymonde reconnut Jean Daval, le secrétaire et homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Raymonde se leva, prit le fusil accroché au mur et passa sur le balcon. L'homme à la lanterne longeait les ruines de l'ancienne abbaye. Il avait presque atteint la petite porte par laquelle son complice avait disparu. Raymonde épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. Victor ! Il se relève ! Filez à la petite porte, il ne peut s'enfuir que par là. Tout de suite, madame. Albert, vous le voyez ? Oui, il rampe dans l'herbe. Il est fichu. Ne le quittez pas des yeux, j'y vais. Non, mademoiselle, n'y allez pas. Si, il me reste une cartouche. S'il bouge... Attention, mademoiselle! Il se traîne vers les ruines! Je ne le vois plus! Victor, vous l'avez vu? Non, mais j'ai fermé la petite porte. Voilà la clé. Alors son affaire est sûre. D'ici 10 minutes, il est à nous, le bandit. Bientôt rejoint par Albert, puis par le fermier voisin et son fils, ils fouillèrent chaque buisson, chaque pierre, où le blessé aurait pu se dissimuler. En vain. La chapelle, quant à elle, était restée fermée. Une seule découverte. À l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymonde, on ramassa une casquette de chauffeur en cuir fauve. Sauf cela, rien. Le lendemain matin, deux autos descendaient la pente légère qui aboutit au château. Dans l'une avait pris place le juge d'instruction Filleul et son greffier Brédou. Dans l'autre, deux jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le château, qui fut jadis l'abbaye des prieurs d'Ambrumésie, apparut. Là, vivait le comte de Gesvres avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature, et sa nièce Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueillie lorsque la mort simultanée de ses parents la laissa orpheline. À l'arrivée du juge, la capture du coupable n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues. Elle était imminente. Si le vol fut le mobile du crime, ce salon, en tous les cas, n'en a pas été l'objet. Le comte de Gesvres entra suivi du médecin. On n'attendait plus qu'eux pour constater la mort de Jean Daval. Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Il était étendu sur le dos, un de ses bras repliés sous lui. Sa chemise était ouverte, et l'on apercevait une large blessure qui trouait sa poitrine. La mort a dû être instantanée. Un coup de couteau a suffi. Monsieur le comte, vous me confirmez que c'est bien avec le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon que l'assassin a frappé? Oui, monsieur le juge, c'est bien lui. Si vous vous en sentez la force, j'aimerais que vous me fassiez un récit détaillé de tout ce qui s'est passé. Malheureusement, mon récit sera fort court. C'est Jean Daval qui m'a réveillé. Il m'a dit avoir entendu du bruit dans le salon. Ensemble, nous nous y sommes précipités, mais à peine avais-je poussé la porte qu'un homme bondit sur moi et m'étourdit d'un coup à la tempe. Et après ? Après, je ne sais plus. Quand je suis revenu à moi, Daval était étendu, mortellement frappé. À première vue, vous ne soupçonnez personne ? Personne. Avez-vous des ennemis ? Non. Et Daval ? Oh, impossible. C'était le meilleur homme du monde, unanimement apprécié. Pourtant, il y a eu escalade. Il y a eu meurtre. Il faut bien un motif à tout cela. Le motif, mais c'est le vol, purement et simplement. Vous affirmez pourtant qu'il ne manque rien. Oui, et c'est d'autant plus mystérieux que ma fille et ma nièce ont vu deux hommes partir en portant de volumineux fardeaux. Le juge se tourna alors vers Suzanne et Raymonde qui assistaient à l'entrevue. Suzanne, toute pâle et tremblante, et Raymonde, plus énergique, plus belle aussi, avec l'éclat doré de ses yeux bruns. Vous êtes bien certaine, mesdemoiselles, de ce que vous avez vu? Sans aucun doute. Les deux hommes qui se sont enfuis transportaient des objets. Et le troisième, celui sur lequel vous avez tiré? Lui avait les mains vides. Sauriez-vous nous donner son signalement? Difficile, car il nous éblouissait avec sa lanterne. Mais je dirais tout de même qu'il était grand et plutôt lourd d'aspect. Est-ce ainsi qu'il vous est apparu à vous aussi, mademoiselle? Oui. Ou plutôt non. Moi, je l'ai vu de taille moyenne et mince. Eh bien, nous voilà bien avancés. Nous sommes en présence d'un individu à la fois grand et petit, gros et mince, et de deux hommes partis les bras chargés d'objets qui n'ont pas disparu. Et d'après vous, mademoiselle Raymonde, l'homme sur lequel vous avez tiré n'a pu s'enfuir ni par la gauche car Victor gardait la porte, ni par la droite car Albert l'aurait alors aperçu. Absolument. Donc, logiquement, il est à l'heure actuelle dans l'espace restreint que nous avons sous les yeux. C'est ma conviction. Eh bien, dans ce cas, il ne nous échappera plus longtemps. Brigadier, prenez la casquette abandonnée par le fugitif et envoyez un de vos hommes chez le chapelier dont l'adresse est inscrite à l'intérieur. Qu'il nous dise, s'il s'en souvient, à qui il l'a vendue. Le blessé ne pouvait donc se terrer que dans les ruines d'Ambrumésie, le célèbre monastère du Moyen-Âge. Pourtant, les nouvelles recherches, comme les précédentes, s'avérèrent infructueuses. Quelques traces de sang séché, quelques empreintes de pas, et puis plus rien. Le juge exigea qu'on ouvrît la chapelle dont les inestimables statuettes étaient considérées comme des merveilles du style gothique normand. Mais la chapelle très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel, n'offrait aucun refuge. Et puis, il eût fallu s'y introduire. Sans les clés, par quels moyens ? Morose, le juge s'en retourna vers le château. Un vol où rien n'était volé, un blessé invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. L'affaire s'avérait compliquée. Sur le chemin, il croisa le brigadier qui revenait de chez le chapelier. La casquette a été vendue à un chauffeur. Quand ça ? Ce matin. Impossible. Elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Le chapelier était pourtant sûr de lui. Qu'on amène le chauffeur qui nous a conduits ce matin. Il a filé. Ah, il nous a bien roulé. Il a pris la casquette trouvée hier, notre unique pièce à conviction, et l'a remplacée par celle achetée ce matin. Nous avons son manteau et dans une des poches, voilà ce que nous avons trouvé. Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron. Ne vous faites pas de soucis, la justice est là, il ne peut rien vous arriver. Et quant à vous, messieurs les reporters, je compte sur votre discrétion. À quel journal êtes-vous attaché ? Au journal de Rouen. Vous avez une carte d'identité ? La voici. Parfait. Et vous, monsieur ? Moi ? Oui, vous. À quelle rédaction appartenez-vous ? Mon Dieu, monsieur le juge, j'écris dans plusieurs journaux. Votre carte d'identité ? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession ? Je n'ai pas de profession. Mais enfin, monsieur, vous ne prétendez pas garder l'incognito après vous être introduit par ruse pour surprendre les secrets de la justice ? Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venu. En outre, il ne m'a pas semblé que l'enquête fût secrète puisque tout le monde y assistait, même l'un des coupables. Veuillez me suivre. Il parlait doucement, d'un ton de politesse infinie. C'était un tout jeune homme, très grand et très mince, vêtu d'un pantalon trop court et d'une chemise trop étroite. Il avait une figure rose de jeune fille et un front large, planté de cheveux en brosse. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il ne semblait nullement embarrassé et souriait d'un sourire sympathique, où il n'y avait nulle trace d'ironie. Assez de plaisanteries. Votre nom ? Isidore Beautrelet. Votre profession ? Élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Que me chantez-vous là ? Élève de... Mais que faites-vous ici ? Sur les conseils de mon père, je suis en vacances dans la région. Et pour tromper mon ennui, je me faisais passer pour un reporter parisien. C'est que je suis féru d'aventures mystérieuses. Avec mes camarades, nous lisons beaucoup de romans policiers dont nous essayons toujours de deviner le dénouement avant la fin. Hier, j'ai eu le plaisir de connaître mon confrère de Rouen. Et ce matin, ayant appris l'affaire d'Ambrumésie, et me prenant pour un journaliste, il m'a fort aimablement proposé de l'accompagner. Pour ce qui est des mystères et des complications, vous voilà servi. Oh oui, monsieur le juge. Je ne connais pas d'émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de l'ombre, qui se groupent les uns contre les autres et qui forment peu à peu la vérité probable. La vérité probable ? Comme vous y allez, jeune homme. Est-ce à dire que vous avez déjà prête votre petite solution de l'énigme ? Oh non ! Seulement, il me semble qu'il y a certains points où il n'est pas impossible de se faire une opinion, et d'autres même tellement précis qu'il suffit de conclure. Eh, mais cela devient très curieux, et je vais enfin savoir quelque chose, car je vous le confesse, à ma grande honte, je ne sais rien. C'est que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, car il est bien rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication. À merveille! De sorte que si je vous demande quels furent les objets volés du salon... Je vous répondrai que je les connais. Bravo! Monsieur en sait donc plus long que le propriétaire lui-même. Monsieur de Gèvres a son compte, monsieur Beautrelet n'a pas le sien. Et si je vous demandais le nom du meurtrier de Jean Daval? Je vous répondrai également que je le connais. Vous connaissez le nom du meurtrier? Oui. Et l'endroit où il se trouve, peut-être? Oui. Quelle chance! Cette capture sera l'honneur de ma carrière. Et vous pouvez, dès maintenant, me faire ces révélations foudroyantes. Monsieur le juge? Que désirez-vous, mademoiselle Raymonde? Je vous prierai de demander à monsieur la raison pour laquelle il se promenait hier aux alentours du château près de la petite porte. Moi, mademoiselle? Moi? Vous m'avez vu hier? À 4 heures, alors que je traversais le bois. J'ai rencontré un jeune homme de la taille de monsieur, habillé comme lui, et j'eus l'impression qu'il cherchait à se dissimuler. Et c'était moi? Il me serait impossible de l'affirmer de façon absolue, car mon souvenir est un peu vague. Cependant, il me semble bien. Sinon, la ressemblance serait étrange. Qu'avez-vous à répondre, monsieur? Que mademoiselle se trompe et qu'il m'est facile de le démontrer. Hier, à 4 heures, j'étais aveugle. Il faudra le prouver. Brigadier, que l'un de vos hommes surveille monsieur pendant que nous vérifions ses affirmations. Une fois Isidore sous surveillance, le juge entreprit une nouvelle inspection du château, de son parc et des alentours. Mais les recherches s'avérèrent vaines. La nuit tomba. Le juge retourna faire son rapport à Dieppe. Sous l'œil attentif du garde champêtre que l'on avait attaché à sa personne, le jeune Isidore sommeillait. Dehors, les gendarmes et quelques paysans s'étaient postés parmi les ruines. Soudain, vers minuit, un feu se déclencha de l'autre côté du château, là où les fermiers gardaient les bêtes. Des flammes s'élevaient en colonnes épaisses. Tous se ruèrent vers l'incendie. C'était une grange qui brûlait. Une fois l'incendie maîtrisé, le comte se posait 1000 questions. Un incendie criminel. Mais pourquoi incendier une étable et une grange? Venez avec moi, monsieur le comte. La raison, je vais vous la dire. Regardez, nous avons été joués comme des enfants. En quoi? L'incendie. Une blague pour nous attirer là-bas, une diversion. Et pendant ce temps-là, on forçait la petite porte et on enlevait le blessé. Mais où se cachait-il, ce blessé? Car quoi, on a battu le terrain toute la journée et un individu ne se cache pas dans une touffe d'herbe, surtout quand il est blessé. C'est de la magie, ces histoires-là! Il fallut encore constater la disparition du jeune Beautrelet. On retrouva le garde champêtre endormi et à côté de lui, un verre où l'on apercevait un peu de poudre blanche. Beautrelet enfuit. Était-il possible qu'il fût complice des bandits? Le grand journal. Demandez le grand journal. Tous les détails de l'enlèvement du chirurgien. Demandez le grand journal. Donne-moi un petit peu, voilà, deux sous. Alors, qu'est-ce qu'il raconte encore? Non mais écoute ça, c'est incroyable. Hier soir, le célèbre chirurgien Delattre assistait avec sa femme à une représentation d'Hernani à la Comédie Française. Au début du troisième acte, la porte s'ouvrit sur 3 hommes. Monsieur Thésard, commissaire de police, j'ai ordre de vous conduire à la préfecture. Mais enfin... Suivez-nous en silence. Inutile d'attirer l'attention. Avant la fin de la représentation, vous serez de retour. Je n'en doute pas. Tout concordait. L'incendie pour permettre d'évacuer le blessé et l'enlèvement du chirurgien pour l'opérer. Restait à trouver l'auberge où l'opération avait eu lieu. Ce fut le fameux inspecteur Ganimard de Paris qui en fut chargé. Besogne aisée pour un Ganimard fureteur, patient et vieux routier de la police. Ganimard chercha, élargissant toujours plus le cercle de ses recherches, en vain. Par contre, il mit la main sur un suspect qui traînait du côté du château. Il voulut l'interroger, mais celui-ci répondit simplement qu'il ne leur devait aucun compte et qu'il attendait la venue du juge Filleul. On fit venir de toute urgence le juge, qui reconnut aussitôt Isidore Beautrelet. Monsieur Beautrelet, quelle bonne surprise! Notre excellent détective amateur ici, à notre disposition. Monsieur Ganimard, laissez-moi vous présenter Isidore Beautrelet, élève au lycée Janson. Il paraît, monsieur le juge, que vous avez reçu de bons renseignements sur moi. Parfait! D'abord, vous étiez en effet à Veul au moment où mademoiselle Raymonde a cru vous voir. Et ensuite, vous êtes bien élève à Janson de Sailly, et même excellent élève. Laborieux et de conduite exemplaire. De sorte que vous êtes libre. Ou presque. Car tout de même, vous avez bien usé de narcotiques pour échapper aux gardes champêtres qui vous gardaient. Cela mérite compensation. J'aimerais donc qu'en échange, vous me disiez où vous en êtes de vos recherches. Bon, 2 jours de liberté, vous avez dû les mener très loin. Restez, inspecteur Ganimard. Isidore Beautrelet vaut la peine qu'on l'écoute. Il s'est taillé au lycée Janson de Sailly une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu. Et ses condisciples le considèrent comme votre émule. Oui, comme le rival d'Herlock Sholmès. En vérité. Je n'ai fait que découvrir 2 ou 3 points qui n'ont pu du reste, j'en suis sûr, vous échapper. Comme par exemple... Je dis que les 4 Rubens accrochés à ce mur sont faux. Impossible. Il y a bientôt 1 an, un jeune homme, Charponnet, a demandé la permission au comte de copier les Rubens. La permission lui fut accordée, et il mit 5 mois à effectuer ce travail. Ce sont ces copies qui ont pris la place des 4 grands tableaux originaux. La preuve ? Monsieur le comte devrait nous la donner. J'espérais que la vérité resterait ignorée, mais puisqu'il en est autrement, je n'hésite pas à le déclarer. Ces 4 tableaux sont faux. Que l'avez-vous dit avant ? Le possesseur d'un objet de valeur n'est jamais pressé de dire qu'il n'est pas ou plus authentique. Cependant, c'était le seul moyen de les retrouver. Il y en avait un meilleur. Lequel ? Celui de ne pas ébruiter le secret et de proposer au voleur le rachat de ces tableaux, dont ils doivent être quelque peu embarrassés. Comment communiquer avec eux ? Par une note, insérée dans les journaux. Cette petite note, publiée ce matin, est ainsi conçue. Suis disposé à racheter les tableaux. Oh, décidément, monsieur, quel coup d'œil et quelle intuition! Si cela continue, Ganimard et moi n'aurons bientôt plus rien à faire. Oh, tout cela n'est guère compliqué. Le reste l'est davantage, voulez-vous dire? Vous affirmiez pourtant que le nom du meurtrier vous était connu. En effet. Alors qui? Qui a tué Jean Daval? Cet homme est-il vivant? Où se cache-t-il? D'abord, il me faut dissiper un malentendu. Le meurtrier et le fugitif sont 2 individus distincts. Que dites-vous? L'homme qui a lutté contre monsieur le comte, celui qui s'est enfui et sur lequel mademoiselle Raymonde a tiré et que nous cherchons depuis en vain, ce n'est pas lui qui a tué Daval? Non. Jean Daval a été tué par... Il faut tout d'abord que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons mêmes du meurtre. Sans quoi mon accusation vous semblerait monstrueuse. Et elle ne l'est pas. Non, Elle ne l'est pas. En questionnant les domestiques, j'ai appris que le copiste des Rubens avait été présenté au comte par Daval. Mis sur la piste d'une éventuelle complicité entre Daval et la bande, j'ai fouillé sa chambre. Sur son buvard, j'ai découvert une adresse décalquée à l'envers. Monsieur A.L.N., bureau 45, Paris. La même que celle où le pseudo-chauffeur envoya son télégramme pour faire venir de toute urgence un chirurgien. La preuve matérielle existait. Jean Daval correspondait bien avec la bande qui avait organisé l'enlèvement des tableaux. Et vous en concluez ? Que ce n'est point le fugitif qui a tué Daval, puisque c'était son complice. Qui alors ? Rappelez-vous la première phrase que prononça M. de Gesvres lorsqu'il se réveilla de son évanouissement. Phrase rapportée par Suzanne, et qui est au procès-verbal. « Je ne suis pas blessé, et Daval, est-ce qu'il vit ?» Le couteau. Lui qui avait prétendu s'être fait assommer, à peine avait-il mis un pied dans le salon, comment pouvait-il savoir que Daval avait été frappé par un couteau ? Comment ? Si ce n'est que c'est lui qui avait frappé. Le comte ? Oui. C'est Daval qui a conduit les cambrioleurs au salon. Alerté par le bruit, M. de Gesvres est descendu. Daval s'est alors précipité vers lui, armé d'un couteau. M. de Gesvres a réussi à le lui arracher et l'a frappé avec, avant d'être à son tour assommé par l'homme que ces demoiselles devaient apercevoir quelques minutes après. Monsieur le comte, dois-je croire que cette version est exacte ? Cette version est exacte en tout point. Alors je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte que vous aviez le droit de commettre étant en légitime défense ? Depuis 20 ans, Daval travaillait à mes côtés. Il m'a rendu des services inestimables. Il m'a trahi. À la suite de je ne sais quelle tentation, je ne voulais pas, en souvenir du passé, que sa trahison fût connue. Vous deviez... Pourquoi ? Du moment qu'aucun innocent n'était accusé à ma place. Il est mort. J'estime que c'est là un châtiment suffisant. Et le fugitif ? Le fugitif, gravement blessé, repose toujours là où il s'est caché, dans les ruines de l'abbaye. Impossible, nous avons fouillé partout. Mal ! Car c'est bien là, dans ces ruines, qu'il faut borner vos recherches. C'est là que vous trouverez... Arsène Lupin. Arsène Lupin ? C'était Arsène Lupin, l'aiguille creuse, de Maurice Leblanc, premier épisode, avec Arnaud Bédouet, le narrateur, Martin Amic, Isidore Beautrelet, Bruno Alain, l'inspecteur Ganimard, Nathalie Blanc, Raymonde, Amandine de Wam, Suzanne, Jean-Gabriel Nordman, le comte de Gesvres, Alain Rimoux, le juge Filleul, et Sylvain Clément, Jérôme Chapat, Daniel Isopo, Hervé Furic, Simon Duprez, Dominique Massa, Jean-Charles Modet, Grégory Kidel et Johan Petiot. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Noélie Pellegrin, Dimitris Capolan. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Michel Sidorov.